enfants de tout pays, bonjour. Vous êtes bien sur Radio Fajette Nancy 94.2. Xavier à la technique, Daniel en votre compagnie, pour vous présenter ce patchwork numéro 49, à l'écoute des musiques du monde. La programmation d'aujourd'hui vous propose un voyage en Éthiopie. Deux coups de projecteur sur Teddy Afro, une promenade musicale autour du prénom Lucie, mais pas de zouk étoilé pour cette fois. Allez, chantons pour l'Éthiopie, une chanson française écrite par Renaud sur une musique de Frank Langhoff, sortie en 1985 et interprétée par un collectif d'artistes qui s'appelait Chanteurs sans frontières. Cette chanson faisait suite à la famine qui a touché l'Éthiopie dans les années 1984-1985. Le disque, quant à lui, s'est rapidement vendu et a permis de récolter l'équivalent de 3 millions d'euros reversés à Médecins sans frontières, Médecins du monde, Action contre la faim et les Restos du cœur. Chantons pour l'Éthiopie, Chanteurs sans frontières. la République démocratique fédérale de l'Éthiopie est un pays de l'Afrique de l'Est. Situé sur la corne de l'Afrique, l'Éthiopie, depuis son indépendance en 1995, est enclavée, donc sans ouverture vers la mer. Aride, le pays est traversé par la vallée du Grand Rift. Les pays voisins sont l'Érythrée, la République de Djibouti, la Somalie, le Kenya, le Soudan du Sud et le Soudan. Population de l'Éthiopie, 100 millions d'habitants, sur une surface équivalente à deux fois la superficie de la France métropolitaine. Située à 2400 mètres d'altitude, la capitale Addis Abeba compte 3 millions d'Éthiopiens. Et l'Éthiopie est l'un des 5 pays les plus riches d'Afrique. C'est un des berceaux de l'humanité. On y a découvert Lucie, en 1974, un des plus anciens spécimens d'Homo sapiens. L'Éthiopie, constitutionnellement laïque, est un pays où de nombreuses croyances coexistent. Religion, 43% de chrétiens, dont 34% d'orthodoxes, 18% de protestants et 1% de catholiques. 42% de musulmans et 10% d'animistes. Le taux de chômage est de 5,7% et le revenu mensuel moyen est de 50 euros. Depuis janvier et février 2020, l'Éthiopie fait face à une invasion de criquets pèlerins et ces insectes s'attaquent aux cultures, ce qui fait craindre une crise humanitaire et environnementale de grande ampleur. Alimai Getchaou Akouaye. مسلش ملي عمتا اني اوجي مالفات انجي ويا المتاش ويا تجي قالا وطاش كامل جاكا من يارك المتاوكا قوي من الارضشي اني اوباكشي قوي من الارضشي اني اوباكشي قوي من الارضشي اسكي باكشي قوي من الارضشي اسكي باكشي هرب الناتشي Premier coup de projecteur sur Teddy Afro. Le chanteur Teddy Afro est né en 1976. C'est un auteur, compositeur, interprète éthiopien. Il est connu pour utiliser sa musique pour commenter le climat politique de l'Afrique et en particulier de son Éthiopie natale. Une voix éminente dans son pays, il mélange le reggae aux styles éthiopiens traditionnels et à la musique pop Ethiopia Teddy Afro. La ville t'appartient, hein, tu le sais bien. Aujourd'hui, la ville je mène a guéri ma fragilité et c'est la seule chose qui te gêne et que tu voudrais m'enlever. Pourtant, la ville t'appartient, tu le sais bien. Une chanson sortie en 1978, écrite, composée et interprétée par Daniel Balavoine, Lucie Balavoine. La ville t'appartient. Lucie. Oh Lucie, faut que tu comprennes. Oh Lucie. Ces nuits entières devant la glace, où je m'inventais de la dignité, dans le lit j'embrassais ta place, et tu voudrais recommencer. Que faire en Éthiopie ? Oh ben, l'Éthiopie, berceau de l'humanité, connut un passé mouvementé et souvent difficile, mais cette plus ancienne monarchie du monde ne cesse d'interroger. Des noms tels que ceux des rois mages, Melchior, Gaspar et Balthazar, la reine de Saba, le roi Salomon, ou encore Haïlé et Sélassié, font travailler notre imaginaire et titillent notre esprit de découverte. Percer le mystère des fameuses églises taillées dans le roc à Labilela, ou encore découvrir la cité d'Harar où vécut Rimbaud, ce sont autant de sites magiques qui font de l'Éthiopie un pays à part. Les paysages sont tout aussi intéressés, montagnes, plateaux, déserts, gorges ou volcans, voilà de quoi surprendre le voyageur, qui pensait que l'Éthiopie était un pays plat, désertique, sec et affamé. Mais non, mais non. De cette richesse géographique naissent de nombreuses espèces animales et végétales. Babouins, léopards, renards, autruches, gazelles, oryx, flamants roses, ou encore girafes, lions et autres zèbres vivent dans ce pays si surprenant. Côté saveur, n'hésitez pas à goûter le café éthiopien. Plus des deux tiers de l'Éthiopie sont occupés par l'immense plateau volcanique dont l'altitude est comprise entre 1800 et 3000 mètres. Les montagnes du Simien, la grande vallée du Rift, le désert du Danakil, les fleuves Awash, Baro et le Nil Bleu, ces chutes spectaculaires, le volcan de Dalol, des couleurs jaunes, vert, rouge d'ocre sont dues à la présence d'oxyde de fer, de soufre et de sel. Et puis des formations géologiques surprenantes, sources chaudes, acides, cheminées de fées, de sel, geysers gazeux ou montagnes de soufre. N'oublions pas le cimetière des éléphants de Babil. Les monuments, la cité de Labilela, la cité royale de Gondar, le champ de stèles de Tilla et puis tout le reste en ville, Eyrus, Anténé, Ayesio. Petite fin, Xavier ? Oh, oh oui, l'ingénieur du son a faim. Oh oui. La cuisine éthiopienne vous marquera jamais, tu sais. L'injera, c'est l'aliment national et la base de pratiquement tous les repas. C'est une immense crêpe, fine, pouvant être roulée, un goût acidulé, et son amertume et sa légère acidité contrastent merveilleusement avec les sauces bien relevées qui l'accompagnent. Le kitfo, un repas de fête, avec la viande la plus maigre, hachée, puis chauffée avec un peu de beurre, du mitmita, c'est un mélange d'épices et de thym. On sert chaud, attention, mais pas cuit. Hein. Et l'assiette de kitfo se compose aussi d'eb, c'est une sorte de fromage blanc sec, et de gomen, des épinards hachés. Le terré Sega pour les amateurs de viande rouge, un luxe servi lors de fastueuses occasions spéciales. De la viande crue, fraîche, dans le morceau que vous avez choisi. On le déguste, le terra sega, avec l'awasi, sauce de moutarde et de piment et du mitmita encore, mélange d'épices accompagné de vin rouge local. Puis alors il y a le Watt, W-A-T, plat national. C'est la version éthiopienne du curry. Vatte de mouton en montagne, vatte de bœuf dans les grandes villes ou vatte de chèvre dans les plaines arides, l'ingrédient roi, c'est le poulet. Znar Zema, Tewe Beswal. Sous-titrage Société Radio-Canada.

la taille du plateau est à la mesure de la dot exigée. Eh oui, les plateaux. De l'ébène, des cylindres de bois d'ébène, c'est fascinant de voir que le cœur de certains arbres soit d'une couleur si différente, si intense. Plus le bois est sombre et pur, et plus le bois est de bonne qualité. Nous sommes en Éthiopie, bien sûr, le café et la réputation de l'arabica éthiopien n'est plus à faire. Des épices, alors la cardamome, le piment, la cannelle, mais aussi berbéré et mitmita. Berbéré, c'est un mélange de piment, ail, gingembre, oignon rouge, cardamome, fenugrec, cannelle chaude, girofle et graines de rue. Mitmita, un mélange de piment, cardamome, clou de girofle et du sel. Le bois, le tissu, la céramique, la vannerie, le cuir, l'orfèvrerie et la joaillerie font aussi partie des produits typiques de l'Éthiopie. Andenia, les manbaï. Soy deuxième coup de projecteur sur Teddy Afro. À Addis Abeba, les titres de Teddy Afro tournent en boucle dans les bars et les minibus, et cette popularité en Éthiopie, c'est du jamais vu. L'artiste chante les épisodes glorieux de l'histoire éthiopienne et rend hommage aux anciens empereurs, dont Haïlé Sélassié Ier. Le chanteur critique aussi de manière subtile le gouvernement actuel, accusé de bafouer les libertés des citoyens et de privilégier une ethnie, en l'occurrence les Tigréens, qui ne représentent que 6% des citoyens, et tout ça au détriment des autres. Teddy Afro prône plutôt l'unité nationale. Il regrette que le pays soit divisé à cause du gouvernement et estime que parler de politique ne doit pas être un péché. Teddy Afro, c'est actuellement la voix qui agace le plus le pouvoir éthiopien. Atse Tewodros, Teddy Afro. Et c'est ainsi que s'achève le patchwork numéro 49 à l'écoute des musiques du monde. Merci à Xavier pour la réalisation technique de cette émission qui a été enregistrée à la maison. Et merci à vous, les auditeurs, de nous avoir accompagnés. Bien entendu, vous retrouverez le podcast de l'émission en vous rendant sur le site de Radio Fagette Nancy. Le prochain patchwork, ça sera dans 15 jours, mais nous serons là quand même dimanche prochain pour la cerise sur le canto. En attendant, soyez heureux et branchés sur Radio Fagette Nancy 94.2 pour les Lorrains et radiofagette.net en ligne pour les autres Européens. Nous vous laissons en l'aimable compagnie de Thierry pour cette émission discothèque classique. Au revoir, à dimanche prochain, 10h.